Quand arrive un problème électrique, on est désemparé. Alors ne cherchez plus, il y a les électriciens du Nord au 1025 Première Rue à l'Ascension. Notre spécialité, les installations commerciales, résidentielles ou industrielles. Une équipe d'expérience qui est disponible pour vous depuis plusieurs décennies dans notre milieu. Vous le savez, on ne joue pas avec l'électricité. Faites confiance à des pros. Contactez immédiatement les électriciens du Nord au 418-347-5103. Monsieur Justin Tremblay et toute son équipe souhaitent bonne chance à l'organisation de Milo en rodéo et invitent la population à participer aux activités. On va parler de baseball. On a fait le tour jusqu'à maintenant de certains prospects. On a parlé avec Abraham Toro. On a parlé également avec Benjamin Petit. Là, maintenant, on va parler avec un autre joueur québécois qui évolue dans l'organisation des Mets de New York, qui évolue à Port-Sainte-Lucie, filiale A de la Ligue de la Floride. On parle avec Raphaël Gladue. Bonjour, Raphaël. Bonjour. Raphaël, évidemment, tu te trouves actuellement à Port-Sainte-Lucie. C'est la même ligue que les Blue Jays de Toronto avec leur club ferme à Dunedin, c'est ça? Oui, exact. OK. Raphaël, comment ça va ta saison? Moi, j'ai commencé à Columbia. Oui. Ça a super bien été. Par la suite, je suis venu ici à Port-Sainte-Lucie. J'ai joué 20 games. Pour l'instant, je suis sur la liste des blessés. Je me suis blessé au genou, mais ça revient mieux pas mal. Là. Donc, je vais sûrement jouer bientôt. OK. Donc, ça va quand même assez bien. C'est une ligue de lanceurs, je pense, hein? Oui. La balle à voyage là, et les lanceurs sont vraiment excellents ici. Donc, les lanceurs sont venus ici. OK. C'est quoi la plus grosse différence entre le A moyen et le A fort? Je veux dire, tu as joué dans le A moyen. C'est quoi ce que tu trouves le plus grand? Les lanceurs sont meilleurs? C'est quoi, en fait? Le jeu est plus rapide. Les lanceurs sont meilleurs aussi. Okay. Plusieurs prospects jouent dans cette ligue ici. OK. Le calibre est plus fort. OK. Ouais. Je regarde ta moyenne actuellement. 206 de moyenne, mais t'as juste 63 apparitions au bâton jusqu'à maintenant. Donc, c'est une adaptation. C'est comme quand tu changes de ligue, en fait, là. Non, dans le fond, c'est juste que la moyenne, ça ne va pas toujours dire si tu frappes bien ou pas. Dans le fond, tu fais bien, ça ne veut rien dire. J'ai deux games de suite avec un ou deux coups sûrs, ma moyenne retombe à 250. Ouais. Donc, tu fais bien, ça ne veut rien dire. Aussi, les coachs, les entraîneurs, ils regardent pas juste la moyenne, ils regardent les bons contacts. Il y a des gens qui frappent peut-être pour 260, mais aucun bon contact, juste des petits coups, donc okay. C'est toujours ça qu'ils regardent. OK. Dis-moi, qu'est-ce qu'il reste à travailler vraiment là, à Raphaël Gladue? C'est toujours améliorer plus, dans le fond. OK, OK. Pour atteindre le plus haut niveau, c'est toujours que tu t'améliores dans tous les aspects du jeu. OK. Est-ce que tu donnes combien de temps pour atteindre, j'imagine que ton but c'est d'être dans les ligues majeures, c'est sûr et certain, que tu donnes combien de temps pour évoluer, arriver avec, parce que là, le A fort, ce que t'es là, on peut penser que normalement au 2A, là, tu vas peut-être commencer au A fort l'an prochain, puis t'en aller au 2A, donc d'ici 2 à 3 ans, tu pourrais cogner aux portes des majeures facilement. Ouais, je pense que l'âge moyen des joueurs, c'est 25 ans, qui rentrent dans la MLB, donc les alentours, là, ce serait parfait. OK. Toi, tu es un voltigeur, j'imagine, qui allie quand même une certaine vitesse. 13 buts volés, c'est quand même pas mal dans la ligue. Et également, tu as une certaine puissance aussi, c'est ça? Oui. C'est sûr que ça peut se développer, mais ça devient que le temps. OK. L'organisation des Mets, comment ils vous traitent? Est-ce que vous êtes bien traité par l'organisation des Mets? On est très bien traité. Je suis content de l'acheter ici, là. OK, OK. Raphaël, on va évidemment te souhaiter la meilleure des chances, évidemment, pour la saison, encore une fois, puis au plaisir de se reparler. Parfait, merci. De l'organisation des Mets de New York, Raphaël Gladue. Merci.